Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Serra Projet, un dispositif coporté par France Active Lorraine et Kepos. La Serra Projet, c'est une initiative innovante qui vise à soutenir la création d'activités vertes et sociales sur le territoire Sud-Meurthe-et-Mosellan. Mais avant de rentrer plus dans les détails, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Flavien Zanini, porteur de projet, et Yann McLaughlin, chef de projet au sein de la SIC Kepos. Bonjour messieurs. Salut, bonjour. Alors pour commencer cette émission, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la Serra Projet et surtout pourquoi le dispositif a vu le jour? Bien sûr. Alors la Serra Projet, c'est un dispositif qui est né en 2020 suite au constat qu'il n'y avait pas assez d'activités sur le sud Meurthe-et-Mosellan qui concerne la transition écologique et solidaire. Donc tu l'as dit, deux structures ont créé un partenariat pour faire naître ce dispositif qu'est la Serra Projet. D'une part, France Active Lorraine, qui est une structure pionnière dans l'accompagnement des projets de l'ESS, et Kepos, qui est une société coopérative qui œuvre pour la transition écologique. Et donc, ce mariage parfait a donné naissance à ce petit bébé qui est la Serra Projet. D'accord. Donc aujourd'hui, on est là, c'est surtout pour parler de l'appel à projet de la Serra Projet, donc, qui a lieu tous les ans, en janvier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est pour qui? Ça sert à quoi? Chaque année, la Serra Projet souhaite faire émerger des projets en lien avec la transition écologique et solidaire sur le territoire. C'est donc un appel à projets qui a lieu tous les ans en début d'année, donc là du 10 janvier au 18 février, et donc qui est adressé à toute personne qui souhaite entreprendre, qui souhaite lancer une activité dans le domaine de la transition écologique, et aussi aux entreprises déjà établies, associations qui souhaitent développer un nouveau pan de leur activité ou une nouvelle activité. Et donc vraiment, l'appel à candidature est assez large. D'accord. Et comment on candidate? Alors c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site de la Serre à projet, donc laserre.org, d'aller voir, en fait, on a un petit cahier des charges sur l'appel à candidature. Et en fait, on laisse quand même assez de liberté aux porteurs de projets pour qu'ils puissent tout simplement nous développer son projet. Ce sera un dossier écrit en fait qu'on va recevoir donc avant le 18 février. Ensuite, on va faire une sélection à l'oral des porteurs de projets. D'accord. Et donc, il me semble qu'il y a plusieurs activités que vous avez déjà préétablies. Tout à fait. Alors, comme chaque année, en fait, on a des thématiques qu'on présélectionne parce qu'en fait, on va vous l'expliquer après, mais on détecte déjà les idées, les besoins du territoire. Et puis après, on va donc chercher les porteurs de projets qui pourraient répondre à ces besoins-là. Et donc cette année, effectivement, il y a 6 nouvelles thématiques qui sont les suivantes. La première concerne l'eau, les usages durables de l'eau. La deuxième concerne les nuisibles, donc tout ce qui est parasites, tout ce qui est aussi, par exemple, punaises de lit, etc. Une lutte écologique contre ces nuisibles-là. Ensuite, on a les toilettes de demain. C'est trouver des alternatives aux toilettes qu'on a aujourd'hui qui sont énormément consommatrice d'eau. On a également un projet qui concerne le reconditionnement des vélos, assistance électrique et trottinettes. Un cinquième projet sur la consigne du verre et des boîtes repas en entreprise et même plus globalement la consigne des emballages en verre. Et la sixième thématique qui est le tourisme vert intergénérationnel. Puisqu'on fait face, face au tourisme de masse, on veut trouver des alternatives qui soient plus écologiques. D'accord. Et si on a d'autres idées, mais qui ne rentrent pas dans ces 6 thématiques, est-ce qu'on peut quand même postuler? Merci Morgane, tu as raison, tout à fait. Chaque année, on a aussi un volet blanc qui permet donc à tout entrepreneur, toute personne qui souhaite se lancer et qui ont un projet en lien avec la transition écologique et solidaire, d'être accompagné. Et donc là, il suffit simplement de proposer son idée. Encore une fois, pareil, c'est les mêmes mesures. Il faut aller sur notre site, compléter un dossier et puis là, on étudiera le projet. D'accord. Et si on veut en savoir plus, il me semble que tu organises un afterwork. Tout à fait. On a un afterwork qui se déroule le 1er février. Vers 17h, 17h30, vous retrouverez les infos sur le site, encore une fois, et sur les réseaux sociaux, qui permet en fait aux porteurs de projet de se renseigner un peu plus sur ce que c'est que la Serra Projet, d'avoir un témoignage d'entrepreneur et aussi de discuter peut-être avec d'autres personnes qui souhaitent se positionner sur l'appel à candidature. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on va forcément être tout seul dans le projet, on peut aussi se regrouper entre citoyens. Exactement. Alors nous, c'est vrai qu'on est, on a un esprit plus collaboratif que compétitif. On n'a aucun intérêt en fait à ce qu'il y ait des concurrents entre les lauréats. On préfère qu'il y ait un esprit de collaboration entre des personnes qui ont des projets qui sont plus ou moins semblables. Bon bah merci Yann. Alors toi Flavien, tu es là, tu faisais partie de la promo précédente. Tout à fait. Déjà merci d'être venu. Merci. Est-ce à que vous. Tu peux te présenter à nos auditeurs et surtout nous parler de ton projet? Donc je m'appelle Flavien Zanini et je suis cofondateur d'une toute jeune start-up qui s'appelle Profilia, donc une start-up nancéenne qui a été créée un peu plus d'un an. Et donc l'année dernière, on a postulé sur le volet lutte envers les espèces exotiques envahissantes et valorisation de ces espèces exotiques envahissantes. Donc en fait, l'objectif de la start-up, c'est de mettre en lumière un peu les super pouvoirs des plantes et des extraits végétaux. Et donc... pour ce faire, on a créé un projet qui a l'originalité de... On travaille sur trois axes bien distincts. Donc un premier qui est un axe écologique. La particularité de la renouée du Japon, c'est qu'elle n'est pas, d'un point de vue législatif, considérée comme une espèce exotique envahissante. Ce qui a fait que les gestionnaires de territoire, la métropole du Grand Nancy, la communauté de communes de Moselle-Madon, par exemple, ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été accompagnés, ils n'ont pas de réel programme de lutte envers ces espèces végétales-là. Donc ils font un peu comme ils peuvent pour les gérer. Donc un des premiers axes de travail, c'est de créer une filière de lutte envers ces espèces exotiques envahissantes, accompagner ces gestionnaires de territoire. Le deuxième axe, est pour nous, qui est très important, et c'est là aussi on se rattache aussi à la Serra Projet, c'est de travailler avec des associations d'insertion et de réinsertion professionnelle, donc afin de créer de l'emploi dans ce domaine-là. Donc, pour résumer assez simplement, le but, c'est d'avoir une gestion par ces associations des espèces exotiques envahissantes et des renouées du Japon. Et le troisième axe, qui est un peu atypique, c'est bioéconomique et la valorisation aussi bien énergétique via de la méthanisation et de molécules à haute valeur ajoutée pour des marchés tels que la nutraceutique ou la cosmétique, donc d'extrait de renouées du Japon. D'accord, donc comme tu l'as dit, c'est vraiment un projet original et c'est vraiment un projet engagé que nous, on adore chez France Active Lorraine et chez Kepos soutenir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as intégré la promo, comment ça s'est passé et surtout pourquoi en fait? C'était quoi tes besoins, tes attentes par rapport à ce dispositif? Donc on a intégré la promo en mars, donc la première formation c'était fin mars 2023. Donc on a intégré la promo à ce moment-là et nous on a voulu l'intégrer pour la simple et bonne raison que notre projet, on n'était pas familiarisé en tout cas avec l'économie sociale et solidaire par exemple, on ne travaillait pas du tout dans ce domaine-là. Donc on savait qu'avec la Serra Projet, on allait pouvoir être accompagné sur l'économie sociale et solidaire et de bénéficier d'un réseau dans ces domaines de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, pour nous, c'était très important. Et également avoir un réseau sur les gestionnaires de territoire. Donc nous, on travaille vraiment sur de la science pure et dure. On est une entreprise qui est issue de la recherche fondamentale d'un laboratoire de recherche de l'Université de Lorraine. Donc, c'est des compétences qu'on n'avait absolument pas. Et en effet, la Serra Projet nous a permis, en tout cas, de nous ancrer dans ce paysage-là. D'accord, parce que vous avez fait des ateliers, j'imagine, des petites formations. Ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, en effet, il y a plusieurs formations. Donc déjà, on a une promo et ça, c'est très agréable. On n'est pas tout seul dans son coin à créer son projet. On est plusieurs à le faire, donc on peut se soutenir. On peut aussi, entre guillemets, partager nos problèmes, nos problématiques, en discuter. Et des fois, ça peut résoudre certains problèmes qu'on n'avait pas imaginés, en tout cas les anticiper. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Il y a vraiment un lien qui s'est créé entre les différents porteurs de projets. On n'est pas seul et ça, je pense que ça peut être très bénéfique pour des personnes qui ont en effet une idée, qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent comme quoi ils n'y arriveraient pas. Et ben le fait d'être à plusieurs, d'être accompagné, donc les formations, on en a eu un certain nombre, il y en a plus d'une dizaine, hein, ça regroupe tout ce qui est aide de financement, comptabilité, il y a énormément de choses où on a quelques outils. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est en effet le côté accompagnement personnalisé. Donc, on a des rendez-vous personnalisés à différentes étapes. mais également le côté promo et qui nous permet de nous soutenir en tout cas. Super, bah merci Flavien. Yann, est-ce que tu avais d'autres détails sur, sur l'accompagnement, sur les étapes du parcours à nous partager peut-être ? Flavien a très bien expliqué déjà le déroulement de l'accompagnement de la Serra Projet. Ce que je peux dire, c'est une chose, c'est que les porteurs de projets ont différents bagages quand ils arrivent à la Serra Projet. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, qui ont plus de compétences entrepreneuriales, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Il y en a qui partent de zéro, qui ont besoin en fait d'avoir un accompagnement très poussé sur chacune des phases. C'était pas forcément le cas de Flavien, par exemple, qui avait déjà pas mal de bagages, on va dire. Mais en fait, voilà, comment se déroule l'accompagnement, c'est qu'on essaie d'avoir... donc, on a 11 formations en tout, qui permettent en fait aux porteurs de projets d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir rédiger une étude de faisabilité qui soit complète, qui leur permet d'une part d'avoir un carnet de bord, mais aussi d'aller chercher des partenaires et des financeurs. En gros, c'est ça. Puis aussi, on a un accompagnement. Normalement, on essaie de voir le porteur de projet une à deux fois par mois pour pouvoir le coacher, l'accompagner, le booster aussi parfois, leur donner un peu un élan de motivation. Ça, c'est important. C'est vrai que certains porteurs de projets en fait s'inscrivent dans la Serra Projet parce qu'ils disent bah tiens, comme ça j'ai un cadre, je suis obligé de travailler quoi. Et parfois ça marche plutôt bien. D'accord. Et on l'a pas dit, mais c'est un accompagnement gratuit. Tout à fait, c'est un accompagnement gratuit puisqu'on peut en fait s'appuyer sur les financeurs de la Serra Projet. On a des financements, donc d'une part des financements publics, par exemple on a la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy, le conseil départemental, la région Grand Est. On a aussi le FSE qui nous soutient. On a également des partenaires privés avec le Crédit Agricole, la Fondation GRDF, AG2R La Mondiale. Je crois que j'en ai pas oublié. C'est déjà pas mal. Il y a quelques partenaires techniques aussi. Et il y a des partenaires techniques. En tout, on est 22-23 partenaires, si je dis pas de bêtises. Donc, on a aussi toutes les chambres consulaires, donc chambre des métiers, chambre des commerces, chambre d'agriculture, etc. La CRES, la chambre régionale de l'ESS, l'Université de Lorraine, l'agence d'urbanisme Scalen. Vraiment, on a vraiment tout un panel de personnel technique, on va dire, qui peuvent aussi être mis à disposition des porteurs de projets. Donc là, en fait, on a nous un carnet d'adresses qui est assez complet et qui peut permettre de booster, de donner le petit élan qu'il faut pour que le porteur de projet puisse facilement ouvrir des portes, on va dire. Et tu l'avais dit en début d'émission, donc c'est depuis 2020, donc il y a eu pas mal de porteurs de projets. Tu peux nous parler un peu des activités que vous avez pu accompagner ? Oui, tout à fait. Alors, on a eu pas mal d'activités du type recyclerie. Donc, recyclerie d'immobilier avec la recyclerie de la Bénédé, recyclerie de textile, recyclerie de matériaux du bâtiment avec remise, recyclerie, là on accompagne une recyclerie de jouets, etc., etc. On a eu pas mal d'activités en lien avec le vélo, vélo-taxi, vélo-école, cyclo-logistique avec les coursiers anciens. Après, on a eu d'autres activités, on va dire, qui n'ont rien à voir. Par exemple, une coopérative funéraire, la Batelière, qui se développe très très bien, une micro-ferme florale avec la ferme florale du Sanon, etc. etc. Donc, ouais, donc beaucoup d'activités diverses. Vraiment, ouais. Tous les secteurs, on va dire. Quoi. Tout à fait. Ok, bah merci Yann. Avant de se quitter, Flavien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait pour ton projet ? Alors le projet a plutôt bien avancé, bien évolué. La chose qui était à peu près la plus compliqué, ça a été de réunir tous les acteurs, donc aussi bien territoriaux qu'associatifs. L'année prochaine, on fait la preuve de concept dans le but de prouver que notre démarche est faisable. Et par la suite, on veut essayer de développer un peu plus le projet et valoriser au niveau des molécules à haute valeur ajoutée, cette renouée du Japon. D'accord, bah écoute, on te souhaite plein de réussite dans ton projet. Merci d'être venu témoigner. Merci à vous. Yann aussi d'être venu Merci nous parler donc de ce dispositif et surtout de l'appel à candidature donc, qui démarre ce mercredi 10 janvier. Et je le rappelle, donc vraiment, si vous avez une idée d'activité qui répond à un besoin du territoire, en lien forcément avec la transition écologique, n'hésitez pas à vous rendre sur www.lacer.org ou même à participer à l'afterwork parc d'information le 1er février. Vous aurez toutes les infos sur le site de la SER ou sur Kepos ou France Active Lorraine. C'est maintenant la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pourrez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Et n'oubliez pas, si vous avez raté une partie de l'émission, elle est disponible en podcast sur fadjet.net. Bonne semaine à tous. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir.